Alors, automatiquement, autrement dit, on est inversement intelligent. On est intelligent à l'envers. Au lieu que notre mémoire s'enregistre ici d'abord, puis qu'elle descende là, elle passe là, puis elle s'enregistre là. Alors, qu'est-ce qui se produit? Quand notre mémoire elle commence à s'enregistrer ici, c'est-à-dire l'énergie de l'intelligence qui est infinie, à ce moment-là, il faut qu'elle descende. Puis éventuellement, elle descend au niveau du plexus solaire. Alors, qu'est-ce qui se produit? On est obligé de vivre la dissociation psychologique. Donc, éventuellement, nos émotions, ce qui est émotif dans notre vie, sont. Alors, quand ça a sauté, l'énergie elle descend jusque sur les plans les plus bas de l'homme. Donc, l'énergie elle part d'en haut, puis elle descend dans l'homme. Au lieu de rentrer par ici pour aller se loger dans le cerveau. Et c'est ça que l'homme connaîtra comme étant la dissociation. C'est pour ça que l'homme qui vivra la dissociation aura l'impression, dans cette expérience-là, de ne plus avoir de point de référence dans la vie. Ça, c'est la première expérience. C'est le premier feeling qu'on a quand le choc est réellement fort. On a l'impression là qu'on est... On est comme des compas, là, mais qui ont perdu le nord. Mais dans le fond, c'est pas que l'homme a perdu le nord, c'est que l'homme découvre un nouveau nord. Et son aiguille, elle s'ajuste, puis elle se passe avec le temps. Puis éventuellement, là, il trouve son nouveau nord, mais ce nord-là, il est créé par son intelligence. Il n'est pas créé par sa mémoire. Donc, il est le résultat de la dissociation de son intelligence. Il n'est plus le résultat de l'association mécanique de son intellect. C'est pour ça que l'homme, à ce moment-là, il n'a plus à s'inquiéter de sa vie, il n'a plus à s'intéresser à sa vie, il n'a plus à se concentrer avec sa vie. Sa vie, elle est là devant lui. Elle est le produit de la relation de l'esprit, le double et son ego. Et lui, en tant qu'ego, en tant que lentille, réfléchit constamment cette énergie-là qui est perfectionnée au niveau de son double. Et lui, sur le plan matériel, s'il est sur le plan matériel, fonctionne d'une façon parfaite en relation avec son double. À ce moment-là, quand vient le temps pour l'homme de rencontrer ou d'échanger ou de travailler ou de faire face à des intelligences qui font partie du gouvernement invisible, il est plus surpris. Pourquoi est-ce qu'il est plus surpris? Parce qu'il n'y a plus d'association à lui. Qu'est-ce que c'est qui se crée notre surprise? La surprise, c'est qu'on fonctionne associativement. Quand tu ne fonctionnes plus associativement et que tu rencontres quelque chose, que tu vois quelque chose, qu'il se matérialise chez vous, quelque chose, que toi, tu es amené sur un autre plan pour rencontrer quelque chose, il ne se produit absolument rien. C'est normal. Parce que tu n'as plus les mécanismes psychologiques de réaction qui t'empêchent de te confronter avec des dimensions de la réalité qui ne conviennent pas à l'association psychologique humaine. Donc, à ce moment-là, l'homme est sur un pied d'égalité avec ces intelligences-là et il peut travailler en harmonie parfaite avec elles et il est automatiquement un agent sur la planète ou sur un autre plan du gouvernement visible. Mais c'est subtil l'affaire du gouvernement visible parce que on n'est pas capable de penser gouvernement visible. On peut jouer avec. On peut se frotter l'ego avec. On peut développer une curiosité égoïque avec ce concept-là. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'est pas suffisamment connecté avec ça. Donc, ce qu'on a, nous autres, ou ce qu'on vit en tant qu'être humain quand on parle du gouvernement visible, ça devient quoi? Ça devient de l'association, ça devient quoi? Ça devient de la philosophie ésotérique. Et tant qu'on vit au niveau de la philosophie ésotérique, bon ben, on est ésotérique. Puis, ça charme l'esprit, ça meuble notre esprit, ça nous fait parler d'autre chose que du baseball, ça intéresse certaines personnes, puis d'autres personnes au Bel-Day vont dire, bon, t'es fou, penser que ça n'existe pas, blablabla. Automatiquement, on n'est pas capable de subir ça trop, cette affaire de gouvernement invisible là dans notre tête. Fait qu'on est obligé d'en parler. On va en parler avec du monde. Puis si moindrement on rencontre quelqu'un qui a l'oreille à ça, bon là, on y en donne, tu sais, on y en donne pour 10 piastres. T'sais, il l'a, là. Tu le pompes toute la soirée, papa. Là, on se déverse, là. Autrement dit, on canalise un peu de notre intelligence à travers énormément d'astralité pour se décharger nous-mêmes au niveau de notre ego, de nos émotions, du poids de notre intelligence. Fait que là, on essaie de le convaincre. Puis si ça s'adonne qu'il aime bien ça, là, on y en donne. Puis si ça s'adonne qu'il veut rien savoir de ça, à ce moment-là, ben, on ne veut pas y parler. On se dit, il ne vaut pas la peine de te parler, ce gars-là. Il n'est pas assez évolué. C'est évident qu'on ne peut pas réaliser instantanément qu'est-ce que c'est la valeur de la dissociation psychologique, parce qu'il faut qu'on la vive. Mais on peut comprendre, par réflexion, que la dissociation psychologique, ça nous laisse tout nu. Ça nous laisse sans rempart, ça nous laisse sans support, ça nous enlève tout ce qu'on a, ça nous menace de folie. C'est toujours un minus. Puis pourtant, c'est pas un minus. C'est un gros plus. Mais c'est un gros plus qu'on peut vivre seulement dans un certain temps. Et la nature même de cette dissociation-là que nous vivrons, que certains parmi nous vivront, elle est égale. Elle est l'équivalent de la pénétration à travers notre ego de l'énergie de notre propre lumière. Autrement dit, notre lumière qui rentre et qui transperce notre ego, c'est équivalent à cette dissociation-là. C'est pour ça que c'est très, très important dans l'avenir, ceux qui la vivront, cette dissociation-là, ceux qui en souffriront un peu, ou ceux qui pourront la supporter, parce qu'elle est l'équivalent de la pénétration de la lumière du double dans l'ego. Et éventuellement, quand la lumière du double dans l'ego est suffisamment forte, ben, là, l'ego sent la pression de cette lumière-là. Là, l'ego se sent poussé dans la vie. Là, l'ego s'aperçoit que c'est plus lui qui ronne. Il y a des forces en lui qui ronnent, et les forces en lui qui ronnent, bon, ce sont ses propres forces. Donc, l'ego n'a pas à avoir peur de ses propres forces. Et ça, c'est important que l'ego n'ait pas peur de ses propres forces. Parce que l'ego ne peut jamais être détruit par ses propres forces. Mais l'ego peut être détruit par d'autres forces qui ne font pas partie de son double lumineux, mais qui font partie de sa conscience astrale, qui est lié au niveau du cordon avec sa mémoire. Donc, les gens qui viennent me voir des fois et qui disent « J'ai l'impression que je suis en train de devenir folle. » L'impression que tu as d'être en train de devenir folle, c'est une impression. Et cette impression-là, elle est créée par quoi? Elle est créée par le choc entre la lumière du double et le corps astral. C'est ça qui crée l'impression de devenir fou. Donc, quand tu as l'impression de devenir fou, tu n'es pas en train de devenir fou, tu es en train de devenir plus intelligent. Mais in the meantime, tu as l'impression de devenir fou. Parce que tu es en voie de reconnexion avec toi-même, tandis qu'avant, tu étais connecté avec d'autres entités, d'autres intelligences qui ne sont pas toi-même. Donc, pour que l'homme soit connecté avec lui-même, il est obligé de payer un prix. Et ça, c'est l'impression de devenir fou. Mais on est tellement habitué d'être connecté avec des entités. On parle du gouvernement invisible. Hein? On est tellement habitué d'être connecté avec des entités qui ne font pas partie de nous-mêmes. Et cette connexion, elle est rendue mature et elle est rendue avec le temps, associative. Pourquoi? Parce que dans le processus de la connexion entre l'ego et les entités qui sont dans l'astral, les valeurs sont la clé. Ce sont les valeurs. Les forces astrales se servent de valeurs pour faire leur connexion avec l'ego. Alors, si elles se servent de bonnes valeurs, l'ego se sent à l'aise, l'ego se sent pas fou. Et comme elles font ça avec tous les hommes de la Terre, ou qu'elles font ça historiquement en fonction d'une certaine science astrale avec un certain pays. Dans un certain pays, tu as une certaine religion, tu as une certaine philosophie. Tu changes de pays, tu as une autre religion, tu as une autre philosophie. Tout le monde à l'intérieur du frontière du pays se sent à l'aise. Seulement quand ils sortent du pays, là, ils sont un petit peu mal à l'aise. Là, ils sont étrangers un peu. Mais quand ils reviennent dans le pays, là, ils sont à l'aise. Parce que ces intelligences-là se servent de valeur pour donner à l'homme la quiétude d'esprit dont il a de besoin pour bien fonctionner associativement. Autrement dit, pour ne pas être intelligent. Alors, vient ensuite la connexion réelle entre l'homme et l'humain, qui attend depuis bien longtemps son esprit, d'être libéré. D'être libéré de quoi? D'être libéré des valeurs créées par l'astral, où automatiquement le gars, à cause de son association psychologique, pense qu'il capote. Il est en train de devenir intelligent, puis il pense qu'il capote. On est capoté comme ça. On est tous fous. Ça marche? C'est tough, hein? Mais c'est de même que ça marche. Hein? C'est pendurable. Savez-vous pourquoi est-ce que c'est pendurable? Parce que vous essayez de le pousser, de le fêter, puis de le fêter. Automatiquement, vous vous fêtez vous-même. Si vous arrêtiez de vous fêter vous-même, ce serait plus endurable, puis un jour, ce serait totalement durable, puis un jour, ce serait totalement normal. Vous, vous êtes comme un prototype pour bien du monde. Les hommes sont tous comme ça à un niveau ou à un autre. On est tous de même. C'est normal. C'est pas, je vous chicane pas, je vous dis que c'est normal. C'est normal. Je vous comprends. Mais ça ne change rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas de nos affaires, qu'est-ce qu'on a à faire? On le sait, qu'est-ce qu'on a à faire. Ce qu'il sait, qu'est-ce qu'on a à faire, c'est nous autres même sur l'autre plan. Mais notre ego, il veut se mêler des affaires de l'autre. Notre ego, ça devient une lentille pour nous-mêmes. C'est lui qui se lève le matin, puis c'est lui qui a problème. Pourquoi? Parce que c'est lui qui réfléchit tout le temps à la lumière de l'autre. On veut tout gérer, nous autres. On veut tout gérer, nous autres. Pourquoi? Parce que quand on gère, on a l'affaire sous notre contrôle. Puis quand on a l'affaire sous notre contrôle, on a l'impression d'une sécurité. Mais quand l'autre bord, qui est un géant, il commence à pénétrer, puis pénétrer, puis pénétrer, puis qu'on s'aperçoit qu'on gère de moins en moins, là, on panique. Ah, bien, vous allez être bien intelligente au fur et à mesure que le travail va se faire. Qu'est-ce que ça veut dire devenir intelligent? Ça veut dire apprendre de plus en plus à ne pas nous mêler de nos affaires. Plus tu t'apprends à ne pas te mêler de tes affaires, plus tu deviens intelligent, parce que plus il y a d'intelligence qui rentre en toi et qui dirige tes affaires. Qu'est-ce que c'est être intelligent? C'est bien se faire diriger de nos affaires. C'est ça être intelligent. Mais quand on se mêle de nos affaires, on se met toujours les pieds dans le plat. Parce qu'on ne connaît pas les mécanismes de notre vie, c'est l'autre partie de nous autres qui sait ce qui se passe, pas la partie ici. On est une lentille, nous autres. On est une lentille. Ah, c'est ça c'est ça la dissociation psychologique qu'on doit vivre. Puis ça, c'est ce qui est le plus dur, puis c'est ce qui sera le plus dur pour l'homme, qui passera d'un camp à un autre, de la cinquième à la sixième race. Puis nos artères sont formées par l'éducation, sont formées par la lecture, sont formées par les attitudes, sont formées par notre caractérisation, sont formées par les impressions qu'on a de notre réalité. On est totalement moulé à la mesure de quoi? Des valeurs qui sont dans notre esprit, posées par quoi? Par d'autres intelligences qui font partie d'un autre gouvernement invisible qui est anti-lumière. Autrement dit, ce que vous appelez, vous autres, les forces sataniques. Puis on n'aime pas ça se faire dire, c'est les forces sataniques. Parce que ça nous chicote. Comment est-ce que des forces sataniques peuvent s'occuper de valeurs positives? On ne voit pas ça, nous autres. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est des forces sataniques. D'ailleurs, les forces sataniques, c'est un nom qui a été donné à l'homme encore pour les assommer. Un jour, l'homme réalisera que des forces sataniques, ça n'existe même pas. C'est qu'il y a des forces qui s'occupent d'une certaine job, il y a d'autres forces qui s'occupent d'un autre job. Mais en attendant, on appelle ça des forces sataniques. Pourquoi? Pour forcer la dissociation, puis pour forcer l'ego à pouvoir absorber le choc créé par l'impression de la crainte venant de l'option qu'il a de travailler avec une ou l'autre. Tu dis à quelqu'un, imagine-toi si j'arriverais à l'homme, imagine-toi si j'allais à la télévision, je dirais aux gens à la télévision, je dirais tous les égaux sont des agents lucifériens. Là, ça sauterait en sacrament de main. Hein. Mais tous les égaux sont des agents lucifériens. Tout. À un niveau ou à un autre. Puis les égaux qui sont les plus beaux agents lucifériens sont ceux qui sont les plus spirituels. C'est vrai, hein? Mettez ça dans votre pipe. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix éventuellement que de vivre que de notre intelligence. On n'a pas de choix. C'est le seul choix que l'homme a, de vivre de son intelligence. Mais il peut vivre de son intelligence seulement quand il a suffisamment subi la dissociation pour être capable de l'incorporer, cette intelligence-là, directement dans son mental, au lieu qu'elle passe par l'émotion pour rentrer dedans et devenir du matériel associatif qui devient pour vous autres de la mémoire. Vous vivez de mémoire. Vous êtes de la mémoire. Vous parlez avec de la mémoire. Vous entretenez votre mémoire. Vous lisez des livres qui deviennent de la mémoire. Vous écoutez des gens qui vous parlent, ça devient de la mémoire. Vous êtes de la mémoire. L'homme est de la mémoire. Et la mémoire, c'est quoi? C'est l'âme. Et qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est la première... L'âme, c'est la première... C'est le premier atome qui a été créé par les forces lucifériennes quand ils sont descendus dans la matière. Ce sont les forces lucifériennes qui ont créé l'âme. L'âme n'a pas été créée par la lumière. Va dire ça au curé, c'est évident qu'il va sauter. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne par l'association. L'âme a été créée par les forces lucifériennes, autrement dit, l'âme a été créée par les gouvernements qui sont gérés par des forces qui ne cessent, dans leur travail, de rendre l'homme de plus en plus égocentrique. Pour maintenir quoi? Pour maintenir leur pouvoir sur la terre à travers le monde de la mort. Alors, nous autres, c'est évident que sur le plan matériel, ben, quand on sait ça, ben, ça nous trouble. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour se défendre du poids de l'impression? On va dire, Bernard de Montréal, c'est un Christ de capoté. Si tu dis, c'est un Christ de capoté, Bernard de Montréal, ben, c'est évident que tu te soulages. Fait que les gens se soulagent en me traitant moins de capoté, et c'est normal. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pour ça que moi, je le comprenais. Ça ne fait rien. Je sais que c'est bon pour eux autres de me traiter de capoté. Mais il faut être intelligent pour reconnaître que c'est bon pour des gens de traiter de capoté. C'est ça, de l'intelligence. Parce que si les gens ne pouvaient pas, dans certaines expériences, se fâcher contre moi, étant maudit contre moi, ils me traiter de capoté, eux autres capoteraient. Fait qu'en attendant, ça les empêche de capoter quand moi, ils me traitent de capoté. Puis moi, j'ai les épaules larges, capable de le faire. C'est le même, c'est ça, l'intelligence. Tu perds jamais tes valeurs. Tu les oublies. Tu vois, c'est encore un mot, ça, qui fait partie de ton association. C'est l'association psychologique de l'homme qui lui fait dire qu'il perd ses valeurs. On ne perd jamais nos valeurs. On les oublie. Il y a une différence entre perdre nos valeurs et les oublier. Maudite différence. Qu'est-ce qui arrive quand tu marches, quand tu t'en viens avec ton char sur la rue et que tu as du soleil dans les yeux? Tu ne vois plus rien. Alors, quand la lumière rentre dedans, tu ne vois plus rien. Tu oublies. Tu ne perds pas de valeurs. Tu penses-tu que j'ai perdu mes valeurs humaines, mes valeurs sociales, mes valeurs contemporaines, moi? Je ne les ai pas perdues. Si j'avais perdu, je me conduirais comme un être absolument, je ne sais pas, dégénéré ou quoi. Je n'ai pas perdu mes valeurs. Je les ai oubliées. Et je les recrée à la hauteur de ma conscience quand j'ai besoin d'être en action. Puis comme je suis conscient, mais mes valeurs sont toujours, mon action est toujours un petit peu plus grande, puis un petit peu plus perfectionnée que même la valeur que j'avais quand j'étais inconscient avant 69. Autrement dit, je suis plus charitable aujourd'hui parce que je suis plus intelligent. Je suis plus généreux aujourd'hui parce que je suis plus intelligent. Je suis plus vertueux aujourd'hui que je l'étais dans ce temps-là parce que je suis plus intelligent. Mais c'est plus au niveau de la valeur, là. C'est au niveau de l'intelligence qui crée dans l'instantané une condition quelconque de la manifestation de la lumière à travers l'ego. Ça ne compare pas nos valeurs, on les oublie. Mais on a peur des oubliés. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être sans valeur. On a peur d'être sans valeur. C'est vrai? On a peur d'être sans valeur. On a peur d'être sans valeur. Non, non, tu peux pas être. Si tu sors de ton bain, si tu sors de l'eau, t'es dans l'air, un des deux. Tu peux glisser. Tu peux glisser. Glisser où? Ouais, mais ça c'est parce que vous n'êtes pas encore assez agile, autrement dit, vous n'êtes pas assez conscient. Quand vous serez conscient, vous ne glisserez pas. On a peur d'être entre deux eaux. Tu peux pas être entre deux eaux. T'es soit dans le bain ou dans l'air. Je peux avoir un chute dedans et dehors. Oui, en attendant, mais vous commencez par là. Faut que tu n'aies un dedans puis un dehors, puis après ça, tu n'as deux dehors. Mais vous autres, vous voulez tous les deux pieds dehors. Sors donc de ton bain, les deux pieds dans les airs, qu'est-ce qui va t'arriver. Là, tu vas être. Autrement dit, ce que vous avez peur, c'est ça qui vous a empêché d'être vécu. Moi, j'ai sorti de mon bain les deux pieds dans l'air. Heureusement qu'il y avait quelqu'un pour me supporter. On s'inquiète pour rien. Puis ensuite, on parle de foi, on parle de foi puis d'espérance. Le foi, c'est toi, j'appelle tout ça du foie de veau. On parle du foie, la foi. La foi. Vous me faites mourir avec la foi. La foi. Il y en a quand même plusieurs d'avant qui vivent ce moment-là. C'est entre les deux. Ben oui. C'est normal. C'est normal qu'on le vive, qu'on soit pogné en deux eaux, entre le corps spirituel, comme elle dit. C'est normal. Mais je vous parle assez depuis des années de temps pour que vous en arriviez à comprendre un petit peu que rien là. Quand je dis qu'il n'y a rien là, je dis qu'il n'y a rien là, dans le sens que je sais, moi, éventuellement, vous allez en sortir. Quand tu es venu au séminaire, toi, tu étais bien paniqué, tu étais prêt à t'amener un coup de poing sur la gueule, ah, oui. Bon, aujourd'hui, tu ne le feras pas, c'est la même chose. Disons que tu le feras moins. Tu le feras moins aujourd'hui quand ça va. Ouais, c'est ça. J'ai dit tu le feras pas pour encore. Pourquoi est-ce que j'ai dit j'aurais bien pu dire tu le feras moins que tu le feras pas pour te tester encore ton ego? Parce que si je te dis je te fais pas, tu le feras pas, là c'est comme si je te teste, je te fais un challenge, puis toi ton ego est vibre, il dirait que c'est pas ça. Mais si j'avais dit tout de suite tu le feras moins, tu dirais oui, je le ferai moins. C'est subtil les mots. Moi, c'est facile de créer une situation avec vous autres pour me faire donner un coup de poing sur la gueule pour que vous autres vous compreniez quelque chose. Je suis capable, oui. De te faire du gracier pour que tu m'en donnes un coup de poing sur la gueule. C'est ça le jeu d'intelligence? Alors, la dissociation, le phénomène de la dissociation, c'est un phénomène pénible. Comme elle le vit, comme d'autres le vivent. Et les gens qui vivent la dissociation le plus difficilement sont les gens qui sont très, très sincères. Plus tu es sincère, autrement dit, plus tu es bon être humain inconscient, plus c'est difficile la dissociation, parce que plus ta sincérité, elle est fondée sur des valeurs. Alors, vous vous identifiez à votre situation, à la situation qui, pour vous, au niveau humain, est intégralement indiscutable sur le plan de l'ordre humain. Alors, pour vous autres, de passer d'un ordre à un autre ordre, là, ça devient indiscutable. Là, la dissociation devient pénible. Ben, c'est ça. C'est comme si vous vous détruisiez. C'est comme si le meilleur de vous-même que vous avez enregistré ou que vous avez vécu pendant des années de temps ou que qui a été réfléchi par d'autres pendant des années de temps. D'autres qui ont dit, madame, une telle ou monsieur un tel, vous êtes un très, très gentil monsieur, ou très, très, très, très, très, très, très. Alors, tout ça, c'est remis en question. Alors, c'est évident que ça crée un vide, et ce vide-là, ben, fait partie de la dissociation. C'est pour ça que, quand c'est fait, la dissociation, une fois qu'on a commencé à en sortir du remous que ça crée, ben, à ce moment-là, on commence à comprendre pourquoi on est ce que l'on est. Puis on regarde en arrière et on s'aperçoit qu'on était de telle façon parce que ça convenait à notre expérience. Maintenant, notre expérience change, bien, on change. Puis éventuellement, ce qui a servi dans ton expérience, mais ça, ça n'est plus, fait que tu es d'autres choses, puis tu avances. À un certain moment, bien, il n'y a plus de lien au niveau de ton association, tu fonctionnes dans une intelligence libre et tu es capable de faire des choses que l'homme inconscient est incapable de faire au niveau psychologique. C'est-à-dire que tu es capable, selon l'accroissement de cette énergie, la transmutation des corps, tu es capable éventuellement de faire face à une réalité qui n'est pas convoitée par l'homme inconscient, qui est peut-être écrite ou décrite dans des livres ésotériques, mais qui fait partie de la grande réalité de la masse éventuelle planétaire. Autrement dit, tu deviens automatiquement un initié. Tu deviens automatiquement un être qui sait, tu deviens automatiquement un être qui n'est plus, qui n'appartient plus à une ancienne race. Tu deviens mutant, tu deviens autre, tu deviens supraconscient, appelez ça comme vous voulez. Tu deviens conscient. Éventuellement, tu peux mourir, mais tu ne meurs pas comme tu seras mort avant. Parce qu'il n'y a plus de perte de conscience. Puis quand il n'y a plus de perte de conscience, la mort n'existe pas. Puis si pour des raisons ou l'autre, tu dois conserver ton corps, tu le conserves. Mais à ce moment-là, c'est simplement un véhicule pour continuer sur un plan matériel à régir au niveau et en fonction du gouvernement. Quand on réalise à la fin du 20e siècle, avec tout notre avancement en science, que l'homme est aucunement centré dans son intelligence. Quand tu réalises qu'il y a des scientistes aujourd'hui qui ont de très beaux cerveaux, qui font de très belles choses, et qu'ils ne sont pas dans leur intelligence, mais qu'ils sont simplement dans la mémoire astrale de l'humanité. C'est ça d'ailleurs qui amène dans le monde la possibilité de certains cerveaux de se servir de certains matériels appartenant à la mémoire de l'humanité, capables de créer des bombes atomiques. Parce que la mémoire est là. Alors, si on a les facultés mentales de mémoire pour absorber ce matériel-là, éventuellement, l'homme peut faire autant de mal avec la science qu'il peut faire de bonnes choses. Et ça, ça devient dangereux. Regardez le problème de pollution au niveau des acides de pluie. Hein? Pourquoi le gouvernement américain ne veut pas mettre un contrôle sur ces acides de pluie, que ça prend tout ça de bataille au niveau des groupes écologistes? Parce que ça forcerait la réduction des industries, ça force la réduction du capital, ça force la réduction du pouvoir financier américain. Mais l'affaire des pluies d'acide, il faut que ça soit résolu un jour. Parce que ce sont ces pluies d'acide-là qui vont totalement, éventuellement, au cours des 10, 15, 20 prochaines années, détruire notre environnement. Puis ensuite, les gens me parlent de la science. C'est pour ça que d'une façon effrontée, je te le dis en public, il n'y a pas de science à Terre. Il y a une forme de science. Comme il n'y a pas d'intelligence à Terre, il y a une forme d'intelligence. Alors, le poids de l'homme, c'est un poids, de l'homme qui se conscientise, c'est un poids qui diminue au fur et à mesure qu'il apprend à le porter. Qu'est-ce que c'est la transmutation, c'est ça? C'est un poids qui diminue au fur et à mesure que vous apprenez à le porter. Puis regardez votre évolution depuis 2 ans, 1 an, vous allez voir que c'est un poids qui diminue au fur et à mesure que vous vous conscientisez. Fait qu'un jour, ce poids-là, vous ne l'aurez plus sous vos épaules parce que vous êtes habitué à le porter. Fait quand vous n'aurez plus de poids sur vos épaules, mais vous serez pas mal dans votre intelligence. Quand vous n'avez plus de poids pendre, vous ne sentirez plus votre ego, vous serez en fusion. La connaissance, c'est pas un poids. La connaissance mystique, la connaissance ésotérique, la connaissance philosophique, c'est pas un poids. C'est un plaisir. L'intelligence, c'est un poids. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui est mort du poids de la connaissance. C'est fun. C'est fun. Mais l'intelligence, ça, c'est un opérant. C'est pour ça que la dissociation psychologique éventuelle de l'homme de la sixième race, c'est un mouvement inévitable de l'homme vers la compréhension de la relation entre lui et le gouvernement invisible. L'homme, un jour, doit comprendre sa relation parfaitement avec les gouvernements invisibles. Mais avant que l'homme puisse passer du stage humain au stage supra-humain, autrement dit, du stage où il est capable de traverser les frontières psychologiques de sa race ou de sa civilisation pour entrer dans le grand champ très vaste et très libre de son action avec le gouvernement invisible, il faut qu'il puisse passer par un no man's land. Et le no man's land, c'est la dissociation psychologique qu'on qui nous entretient, dont on vit. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est un gouvernement invisible tant qu'on n'a pas vécu la dissociation. On ne peut pas vivre de l'intention d'un gouvernement invisible sur une planète. On ne peut pas vivre du pouvoir du gouvernement invisible sur une planète. On ne peut pas. Parce qu'un gouvernement invisible, c'est un gouvernement qui ordonne l'évolution. Et quand un gouvernement ordonne l'évolution, l'homme qui travaille avec ce gouvernement-là est obligé d'ordonner sur le plan où il est l'évolution. Donc, il est obligé d'agir en conséquence de cause. Et la cause première étant son lien avec ce gouvernement-là, il n'a plus de choix dans la matière que d'exercer cette fonction-là. Donc, qu'il soit n'importe quoi, qu'il soit en médecine, qu'il soit en science, qu'il soit en politique, qu'il soit dans n'importe quel domaine humain, il est obligé d'appliquer les lois du gouvernement invisible. C'est pour ça qu'il y a un temps et qu'il y aura nécessité éventuellement de l'accroissement chez l'homme, chez les fils de cette lumière et leur accroissement des pouvoirs pour que l'homme ne soit pas détruit dans sa correction de l'évolution ou dans sa correction des forces créatives sur la Terre. Alors, à ce moment-là, l'homme deviendra un intouchable et c'est à ce moment-là que le gouvernement invisible sera établi à travers des hommes sur la Terre et que nous aurons sur la Terre un gouvernement universel, mondial. Sans ça, ça serait la destruction de l'individu. Les forces astrales sont beaucoup trop puissantes. Moi, il y a des gens qui me demandent, qui me disent, pourquoi tu n'en vas pas en politique? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en politique? Aller en politique, va me faire descendre. Mais ben, m'en faire descendre. Tu peux pas faire autrement que de faire descendre. Fait qu'il y a un temps, puis il y a un lieu pour chaque chose. C'est ça d'intelligent. Et nous autres, les hommes, tant qu'on n'est pas conscient de ça, on ne réalise pas l'importance de devenir de plus en plus dissociés de notre intelligence pour devenir de plus en plus conscient de l'importance de la liaison entre cette intelligence-là qui fait partie de nous-mêmes sur un autre plan et son organisation matérielle. Parce que de l'intelligence, ça nécessite de l'organisation matérielle. C'est-à-dire que de l'intelligence nécessite la réorganisation du mental, nécessite la réorganisation du corps astral, nécessite la réorganisation du corps vital, nécessite la réorganisation du corps physique. Alors, ça prend un certain nombre d'années pour qu'on arrive éventuellement à avoir des corps, des principes qui soit totalement ajusté à cette énergie-là. Là, l'homme, dans ce temps-là, pourra vivre de cette énergie-là, en être en contact avec ces intelligences-là et travailler sur la Terre à la recomposition de sa civilisation. Mais in the meantime, il faut qu'il se vive la dissociation psychologique. Elle est inévitable. Inévitable. C'est subtil. Moi, j'ai une très belle famille. J'ai une belle petite fille et j'ai une femme superbe. Et je suis obligé de vivre la transmutation de mon couple. Après 13 ans d'initiation. Et les forces, on les voit, les forces qui poussent, puis qui poussent, puis qui poussent, puis qui poussent, puis qui poussent. L'ego suit. La dissociation est faite. La souffrance n'existe plus. Mais l'exercice de l'intelligence à travers les égaux se fait très forte. Et l'expression de cette intelligence-là à travers un couple, deux couples, trois couples, 100 couples, 1000 couples, créera ce qu'on appelle une micro-société. Mais l'homme ne réalise pas. Ça, c'est absolument époustouflant. L'homme ne peut pas réaliser, c'est impossible que l'homme réalise avant son temps qu'il n'est pas maître sur sa planète. Et quand je dis qu'il n'est pas maître sur sa planète, je ne veux pas dire nécessairement que l'homme est poussé à gauche par à droite par des gouvernements qui sont puissants. Je veux dire que l'homme n'est pas maître sur sa planète dans sa vie existentielle. Il pense qu'il l'est pendant longtemps. Et un jour, il réalise qu'il n'est pas maître sur sa planète. Et c'est la seule façon, c'est seulement quand il réalise cela, qu'il commence à prendre conscience de la maîtrise de sa planète. C'est pour ça que je dis, il faut cesser de vouloir être quelque chose pour devenir quelque chose. Tant qu'on veut être quelque chose, c'est le produit de notre association. Donc, on ne peut pas l'être en fonction de notre intelligence. On doit l'être en fonction d'autres intelligences qui sont les caractéristiques astrales qui se manifestent en nous par notre tempérament et notre caractère. Quand on découvre, après des milliers et des milliers d'années d'évolution, que c'est même pas nous autres qui pensent, quand on commence à découvrir ça, c'est seulement une porte ouverte sur l'infini de notre réalité. Si l'homme ne découvrira pas, s'il n'était pas indiqué à l'homme que c'est pas lui qui pense, comment voulez-vous que l'homme prenne conscience de son lien avec des gouvernements invisibles? C'est impossible. Comment voulez-vous que l'homme prenne conscience même de son intelligence créative? C'est impossible. Il deviendra un monstre d'orgueil. Pourquoi est-ce que le visage de l'instruction mondiale change à chaque phrase, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 6 mois? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'absorber l'instruction crue. Si je vous parlerais crue, je vous découragerais tout. Vous n'auriez plus rien pour vous tenir. Là, vous seriez en maudit compte. Alors, l'instruction doit se propager dans son temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps. Mais elle nous prépare, elle nous prépare, elle nous prépare, elle nous prépare, elle nous prépare, elle nous prépare. Éventuellement, mais vient le temps où on est capable de supporter tout ce qu'elle peut nous donner. Vous autres, comme moi, il n'y a pas que vous autres qui a le poids de l'instruction. Moi, je l'ai, je le pars. La seule différence entre moi et vous autres, c'est que moi, j'ai pas de choix, je suis obligé de la vivre. Tandis que vous autres, vous avez le choix de l'accepter ou de la rejeter tant que vous n'avez plus le choix. Un jour, vous n'aurez plus le choix. Tant que vous avez le temps de vous retirer ou de continuer. Mais vous n'avez même pas le choix là! Vous pensez que vous l'avez. Il y aura toujours une petite affaire en dedans qui dirait « Ouais, m'a fait un petit tour pendant la soirée. » Ouais, je pense qu'à soir, là, m'a fait un petit tour, une conférence. Ils vont vous accrocher au réseau. Des fois, ça veut dire « Ouais, j'ai pas vu mes chums depuis longtemps. Ils vont passer par votre chum. J'ai pas vu une telle. C'est pas Bernard, je vois Bernard, je vois une telle. On n'a pas le choix. L'État est un champ de force. Puis il est pas manifesté encore. C'est très important pour vous autres, en tant qu'individus, d'en arriver à pouvoir ne pas vous choquer contre moi. C'est pas de ma faute. Tant que vous ne serez pas capable de réaliser ça, vous demeurez dans une immaturité enfantine. Parce que si vous vous choquez contre moi, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de m'apprendre. Si vous n'êtes pas capable de m'apprendre, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour prendre sur vos épaules votre intelligence. Vous êtes incapable de prendre sur vos épaules l'intelligence d'autres entités dans l'astral qui ne font pas partie de vous, mais qui vous mangent et qui se nourrissent de vous autres. Fait que c'est bon pour vous autres d'apprendre petit à petit, je ne dis pas d'un coup, c'est pas un cadeau, mais je dis petit à petit d'apprendre à ne pas vous fâcher intérieurement contre moi. Pour vivre de plus en plus cette dissociation psychologique-là, qui deviendra éventuellement le point de rapport entre vous en tant qu'ego et vous-même au niveau de l'éther, pour que vous puissiez comprendre et prendre possession de vous-même. L'homme doit prendre possession de lui-même. Et quand l'homme prend possession de lui-même, final, c'est plus Bernard de Montréal, c'est plus Joe Blow, c'est moi-même. Et là, vous êtes bien. Puis moi, dans ce temps-là, je suis content. Je suis content parce que dans ce temps-là, je sais que vous êtes plus mieux dans votre peau. Vous êtes mieux avec vous-même. Un jour, vous réaliserez que l'homme est un être qui est instantanément construit et instantanément maintenu dans sa force. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui ont déjà entendu parler aux États-Unis des combustions instantanées. Là. Ça vient de temps en temps dans les journaux. Là. des gars qui brûlent tout d'un coup, là. Pshut. La combustion instantanée, c'est un phénomène de dématérialisation par des forces négatives. Alors, l'homme est un être qui est maintenu dans sa forme à tous les niveaux, mental, émotionnel, vital et physique, par de l'énergie qui est sous le contrôle d'intelligence. Mais l'homme n'est pas, tant qu'il n'est pas conscient, l'homme peut être enlevé son droit de vivre par des forces sataniques. Et vous verrez dans les années à venir, particulier 88, 89, 90, là, vous verrez qu'il y aura de plus en plus sur la Terre de phénomènes paras qui vont bousculer la science et qui feront réaliser aux gens qu'il y a des forces que les gens appellent des forces occultes qui soutirent, qui enlèvent, qui éliminent des êtres humains de la planète. Alors, le phénomène de combustion instantanée, c'est un phénomène qui démontre jusqu'à quel point l'homme est vulnérable lorsque l'astral devient très puissant sur une planète. Alors, l'homme est maintenu dans sa forme par des forces intelligentes. Et un jour, l'homme réalisera que sa structure matérielle, je ne parle pas de sa structure éthérique, la structure éthérique est immortelle, mais la structure matérielle, elle est convenue. C'est-à-dire que l'on convient de l'autre bord que ça demeure ça. Le phénomène de la mort, c'est une expérience qui résulte de cette convention-là. L'homme meurt quand il veut, l'autre bord, le gars meurt, il se fait frapper par une auto, c'est final. Mais ça, c'est à un niveau, c'est une convention, ça, mondiale, planétaire, ça, que les hommes meurent dans des conditions qui sont suffisamment standardisées pour qu'il n'y ait pas trop de conscience de l'occulte. Mais il y a des forces de l'autre côté, dans l'invisible, qui sont capables de soutirer complètement l'homme de sa forme. Ça, vous tombez dans le domaine de la magie noire et des forces sataniques, ainsi de suite. Et l'homme doit en arriver un jour à ne pas être capable d'être assujetti à ces forces-là. De sorte que lui, quand il se transmet, quand il se dématérialise, il le fait sous le pouvoir de sa propre volonté. Lui part quand il veut, pas quand d'autres intelligences le veulent, pour des raisons quelconques. Et heureusement que nous avons de l'association, heureusement que nous fonctionnons par association, parce que si on ne fonctionnait pas par association, on ne pourrait pas supporter la vision de ce qui est réel. Donc, on ne serait même pas capable de supporter la vision de ce que nous sommes. C'est pour ça que ces travaux-là se font lentement au cours des années, petit à petit. Bon, toi, ta dissociation, la perte de la conscience subjective, réflexive de l'ego, t'as subi, puis il n'y a plus rien là, puis t'avances. Un homme ne peut pas comprendre la nature de la vie sur la Terre, la nature de l'homme, la nature de ses émotions, de son mental, la nature humaine, la nature de sa vie, ne peut pas comprendre ce que c'est que sa vie tant qu'il n'a pas conscience des lois des gouvernements invisibles. C'est une impossibilité. Parce que tout découle sur la planète matérielle, à tous les niveaux de l'organisation de ses royaumes, de l'intention des gouvernements invisibles. Tout découle de ça. Un jour, vous expliquerez qu'est-ce que c'est Dieu. Vous verrez que c'est bien intéressant. Je ne sais pas ce que vous pensez. C'est facile pour moi de vous parler comme ça, parce que c'est facile pour moi de vous parler comme ça. Mais c'est pas facile pour l'homme de comprendre. Mais c'est important que l'homme soit mis face à face avec les faits. Je vous mets face à face avec les faits, avec le temps. Vous verrez que c'est bien comme ça. Il n'y a rien là. In the meantime, vous continuez à boire votre coke Cheetah. Je ne peux pas vous casser la tête. Si je vous dis que l'association psychologique qui fait partie de votre mental, de votre organisation mentale, c'est ce que vous êtes pas. Fait que ce que vous êtes, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Regardez ce qui se passe ce soir quand vous rêvez. Qu'est-ce qui se passe quand vous rêvez? C'est toute la niaiserie. c'est toute de la connerie, c'est tout mal organisé, c'est pas clair et net, c'est pas intelligemment organisé, c'est pas télépathique, c'est totalement imagé. Ce sont des images qui sont projetées dans votre écran. Vous vivez de l'imagination. Vous vivez de l'image. Et de l'image, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation, un peu partout, dans les mémoires de l'humanité, de formes qui vous conviennent. Si on veut moindrement vous créer des chocs, on va aller chercher dans une autre mémoire quelque chose que vous n'avez jamais pensé. Ça, vous allez appeler ça un cauchemar. Si vous rêvez à quelque chose que vous avez pensé, là, qui fait partie de votre organisation normale, mais là, ça marche. Là. Mais aussitôt qu'on va vous chercher quelque chose que vous n'avez jamais pensé, que vous n'avez jamais imaginé, qui fait partie d'une autre mémoire, au lieu d'avoir un beau petit minou chez vous, t'as un minotaure, t'sais. Là, vous fliquez net. Là, vous appelez ça des cauchemars. Fait que l'homme n'est pas ce qu'il est. Il est une construction très minutieuse de forces intelligentes sur d'autres plans. Quand je dis que les animaux sont régis par des forces animales, que l'homme est gouverné par un gouvernement, l'homme inconscient est gouverné par un gouvernement matériel, et que l'homme conscient est gouverné par un gouvernement invisible. C'est ça. Et chaque royaume, l'animal, l'humain et le supra-humain doit être en convention avec les forces qui le dirigent. Alors, le surhomme sera en convention avec les forces du gouvernement invisible qu'il dirige, comme l'être humain est en convention sociale avec les forces du gouvernement planétaire qu'il dirige, comme les animaux sont en convention totalement inconsciente avec les forces animales qu'il dirige. Donc, c'est évident que quand l'homme aura conscience d'un gouvernement invisible, comme il a conscience aujourd'hui d'un gouvernement matériel, c'est évident que l'homme verra les choses d'une façon très différente. Il ne pourra plus s'associer psychologiquement à sa réalité matérielle. Parce qu'il vivra dans le vide psychologique de sa mémoire pour entrer dans le plein vibratoire de son intelligence pure, autrement dit, son lien avec son double. Puis un jour, les vibrations sont tellement élevées qu'il pourra rentrer l'autre bord. La disconnection se fera, puis là, il pourra voir qu'est-ce que c'est le gouvernement invisible, puis qu'est-ce qui se passe de l'autre bord, puis qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec eux autres. Quand vous vous demandez qu'est-ce que j'ai à faire plus tard, vous le saurez un jour. En attendant, mais travaillez pour Steinberg. Ne cherchez pas à faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, vous ne ferez jamais rien d'extraordinaire dans votre vie. L'homme conscient ne peut rien faire d'extraordinaire dans sa vie parce qu'automatiquement, il crée des chocs sur le plan matériel. Un être qui travaille en fonction d'un gouvernement invisible, qui travaille sur un plan matériel, il est obligé d'avoir énormément de discernement pour ne pas créer de chocs à l'intérieur du gouvernement matériel. Les ordres doivent être régis et maintenus dans le statu quo jusqu'à temps qu'ils soient brisés parce qu'il y a une ouverture sur un autre plan. Fait qu'en attendant, ceux qui pensent qu'ils vont avoir quelque chose à faire dans la vie de bien important, faites attention, ça va loin en maudit des illusions. Ça va loin en maudit des illusions. Même si vous pensez micro-société, faites attention. Faites bien attention à la micro-société. Elle est pointue. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est la micro-société. Vous n'avez pas d'idée pantoute. Pas d'idée pantoute. Pas d'idée. Vous n'aurez jamais non plus. Ça se pense pas, micro-société. La micro-société, c'est le produit graduel de la descente de l'énergie de l'intelligence à travers le double, à travers de l'ego. Graduel, là, dans son temps, Fait que, prenez un break. Vous n'allez rien chambarder d'allemand.